Chapitre 84. Toulouse, un grand jurisconsulte, CUJAS. Il suffit de savoir les 24 lettres de l'alphabet, et avec cela, on apprend tout le reste. À Toulouse, il fallut se donner bien de la peine, car l'ancienne capitale du Languedoc, peuplée de 130 000 âmes, est une grande ville commerçante. Le Perpignan lui apportait quantité de marchandises, principalement de beau blé dur d'Afrique, que l'on débarqua avec l'aide d'André au magnifique moulin du Bazacle, sur la Garonne. « Rappelle-toi, petit Julien, dit André, que la meunerie est une des industries où la France fait merveille. Ce n'est le tout de faire pousser le blé, vois-tu. Il faut savoir en tirer les plus belles farines. Eh bien, les farines de France sont renommées pour leur finesse. Et Toulouse est dans cette partie du Midi le grand centre de la meunerie. » Revenu au bateau, Julien prit son livre et lut la vie d'un des grands hommes né à Toulouse, CUJAS. À Toulouse naquit au XVIe siècle un enfant nommé Jacques CUJAS, qui montra de bonne heure un ardent désir de s'instruire. Son père n'était qu'un pauvre ouvrier qui travaillait à préparer et à fouler la laine, un foulon. Le petit CUJAS supplia son père, tout en travaillant avec lui, de lui donner un peu d'argent pour acheter des livres. Le père finit par lui en donner, et l'enfant, au lieu d'acheter des livres qui eussent pu l'amuser, acheta des grammaires grecques et latines, des ouvrages anciens fort sérieux, grâce auxquels il espérait s'instruire. Le jeune CUJAS, sans aucun maître, se mit à apprendre le latin et le grec, et il travailla avec tant de courage qu'il sut bientôt ces deux langues si difficiles. À cette époque, Toulouse était comme aujourd'hui, une ville savante, et elle avait une grande école de droit. La science du droit, enfant, est une belle science. Elle enseigne ce qui est permis et défendu, ce qui est juste ou injuste envers les autres hommes. Elle étudie également quelles sont les lois les meilleures et les plus sages qu'un pays peut se donner, quels sont les moyens de perfectionner la législation et de rendre ainsi les peuples plus heureux. Le jeune CUJAS voulut être un grand homme de loi, un grand jurisconsulte. Il étudia donc le droit sous la direction d'un professeur que son intelligence avait frappé. Bientôt, il devint professeur à son tour, et sa réputation était si grande que des jeunes gens venaient de toutes les parties de l'Europe afin d'avoir pour maître CUJAS. Plus tard, CUJAS professa successivement le droit à Cahors, à Valence, à Avignon, à Paris, à Bourges. Ses élèves le suivaient partout, comme une cour suit un prince. On lui offrit d'aller en Italie enseigner le droit. Il ne voulut pas quitter sa patrie. La bonté de CUJAS égalait son génie. Il aidait à chaque instant de sa bourse les étudiants, qui avaient pour lui non moins d'affection que le respect. Les travaux de CUJAS ont été fort utiles au progrès de la science du droit en France et à celui des bonnes lois. Encore aujourd'hui, on étudie avec admiration ses savants ouvrages. On lui a élevé une statue à Toulouse, sur une des places de la ville, devant le palais du tribunal où se rend la justice. CUJAS, né en 1522, mort à Toulouse en 1590. Toulouse et le Capitole. Le Capitole était un mont de l'ancienne Rome, au sommet duquel un temple était bâti. Ce nom a été donné par Toulouse à son superbe hôtel de ville. Toulouse est comme la capitale du sud-ouest de la France. C'est à la fois une ville savante et une ville industrieuse. Elle est l'entrepôt de toutes les marchandises qui se rendent de la Méditerranée dans l'océan.